Chapitre 6 L'Hospice. On se souvient que Fleur de Marie, sauvée par la Louve, avait été transportée non loin de l'île du Ravageur, dans la maison de campagne du docteur Griffon, l'un des médecins de l'hospice civil où nous conduirons le lecteur. Ce savant docteur, qui avait obtenu par de hautes protections un service dans cet hôpital, regardait ces salles comme une espèce de lieu d'essai, où il expérimentait sur les pauvres les traitements qu'il appliquait ensuite à ses riches clients, ne hasardant jamais sur ceux-ci un nouveau moyen curatif, avant d'en avoir ainsi plusieurs fois tenté et répété l'application in anima vili, comme il le disait avec cette sorte de barbarie naïve, où peut conduire la passion aveugle de l'art, et surtout l'habitude et la puissance d'exercer, sans crainte et sans contrôle, sur une créature de Dieu, toutes les capricieuses tentatives, toutes les savantes fantaisies d'un esprit inventeur. Ainsi, par exemple, le docteur voulait-il s'assurer de l'effet comparatif d'une médication nouvelle assez hasardée, afin de pouvoir déduire des conséquences favorables à tel ou tel système. Il prenait un certain nombre de malades, traitait ceux-ci selon la nouvelle méthode, ceux-là par l'ancienne. Dans quelques circonstances, abandonnait les autres aux seules forces de la nature, après quoi il comptait les survivants. Ces terribles expériences étaient, à bien dire, un sacrifice humain fait sur l'autel de la science. Le docteur Griffon n'y songeait même pas. Aux yeux de ce prince de la science, comme on dit de nos jours, les malades de son hôpital n'étaient que de la matière à étude, à expérimentation. Et comme, après tout, il résultait parfois de ses essais un fait utile ou une découverte acquise à la science, le docteur se montrait aussi ingénument satisfait et triomphant qu'un général après une victoire assez coûteuse en soldats. L'homéopathie, lors de son apparition, n'avait pas eu d'adversaire plus acharné que le docteur Griffon. Il traitait cette méthode d'absurde, de funeste, d'homicide. Aussi, fort de sa conviction, et voulant mettre les homéopathes, comme on dit, au pied du mur, il aurait voulu leur offrir, avec une loyauté chevaleresque, un certain nombre de malades sur lesquels l'homéopathie instrumenterait à son gré, sûr d'avance que de 20 malades soumis à ce traitement, 5 au plus survivraient. Mais la lettre de l'Académie de médecine qui refusait les expériences provoquées par le ministère lui-même sur la demande de la Société de médecine homéopathique réprima cet excès de zèle et, par esprit de corps, il ne voulut pas faire de son autorité privée ce que ses supérieurs hiérarchiques avaient repoussé. Seulement, il continua, avec la même inconséquence que ses collègues, à déclarer à la fois les doses homéopathiques sans aucune action et très dangereuses, sans réfléchir que ce qui est inerte ne peut en même temps être venimeux. Mais les préjugés des savants ne sont pas moins tenaces que ceux du vulgaire. Et il fallut bien des années avant qu'un médecin consciencieux osât expérimenter dans un hôpital de Paris la médecine des petites doses et sauver, avec des globules, des centaines de pneumoniques que la saignée eût envoyées dans l'autre monde. Quant au docteur Griffon, qui déclarait si cavalièrement homicide les millionièmes de grains, il continua d'ingurgiter sans pitié à ses patients l'iode, la strychnine et l'arsenic, jusqu'aux limites extrêmes de la tolérance physiologique, et pour mieux dire, jusqu'à l'extinction de la vie. On eût stupéfié le docteur Griffon en lui disant, à propos de cette libre et autocratique disposition de ses sujets, un tel état de choses ferait regretter la barbarie de ces temps où les condamnés à mort étaient exposés à subir des opérations chirurgicale récemment découverte, mais que l'on osait encore pratiquer sur le vivant. L'opération réussissait-elle, le condamné était gracié. Comparé à ce que vous faites, cette barbarie était de la charité, monsieur. Après tout, on donnait ainsi une chance de vie à un misérable que le bourreau attendait, et l'on rendait possible une expérience peut-être utile au salut de tous. Les homéopathes que vous accablez de vos sarcasmes ont essayé préalablement sur eux-mêmes tous les médicaments dont ils se servent pour combattre les maladies. Plusieurs ont succombé dans ces essais noblement téméraires, mais leur mort doit être inscrite en lettres d'or dans le martyrologe de la science. N'est-ce pas de semblables expériences que vous devriez convier vos élèves? Mais leur indiquer la population d'un hôpital comme une ville matière destinée à la manipulation thérapeutique, comme une espèce de chair à canon destinée à supporter les premières bordées de la mitraille médicale, plus meurtrière que celle du canon, mais tentez vos aventureuses médications sur de malheureux artisans dont l'hospice est le seul refuge lorsque la maladie les accable, mais essayez un traitement peut-être funeste sur des gens que la misère vous livre confiants et désarmés, à vous leur seul espoir, à vous qui ne répondez de leur vie qu'à Dieu, savez-vous que cela serait pousser l'amour de la science jusqu'à l'inhumanité, monsieur? Comment les classes pauvres peuplent déjà les ateliers, les champs, l'armée? De ce monde, elles ne connaissent que misère et privation, et lorsqu'à bout de fatigue et de souffrance, elles tombent exténuées et demi-mortes, la maladie même ne les préserverait pas d'une dernière et sacrilège exploitation? J'en appelle à votre cœur, monsieur. Cela ne serait-il pas injuste et cruel? Hélas, le docteur Griffon aurait été touché peut-être par ces paroles sévères, mais non convaincu. L'homme est fait de la sorte. Le capitaine s'habitue aussi à ne plus considérer ses soldats que comme des pions de ce jeu sanglant qu'on appelle une bataille. Et c'est parce que l'homme est ainsi fait que la société doit protection à ceux que le sort expose à subir la réaction de ses nécessités humaines. Or, le caractère du docteur Griffon, une fois admis, et on peut l'admettre sans trop d'hyperbole, la population de son hospice n'avait donc aucune garantie, aucun recours contre la barbarie scientifique de ses expériences. Car il existe une fâcheuse lacune dans l'organisation des hôpitaux civils. Nous la signalons ici, puissions-nous être entendus. Les hôpitaux militaires sont chaque jour visités par un officier supérieur, chargé d'accueillir les plaintes des soldats malades, et d'y donner suite si elle lui semble raisonnable. Cette surveillance contradictoire, complètement distincte de l'administration et du service de santé, est excellente. Elle a toujours produit les meilleurs résultats. Il est d'ailleurs impossible de voir des établissements mieux tenus que les hôpitaux militaires. Les soldats y sont soignés avec une douceur extrême, et traité, nous dirions, presque avec une commisération respectueuse. Pourquoi une surveillance analogue à celle que les officiers supérieurs exercent dans les hôpitaux militaires n'est-elle pas exercée dans les hôpitaux civils par des hommes complètement indépendants de l'administration et du service de santé, par une commission choisie peut-être parmi les maires, leurs adjoints, parmi tous ceux, enfin, qui exercent les diverses charges de l'édilité parisienne, charges toujours si ardemment briguées? Les réclamations du pauvre, si elles étaient fondées, auraient ainsi un organe impartial, tandis que, nous le répétons, cet organe manque absolument. Il n'existe aucun contrôle contradictoire du service des hospices. Cela nous semble exorbitant. Ainsi, la porte des salles du docteur Griffon, une fois refermée sur un malade, ce dernier appartenait corps et âme à la science. Aucune oreille amie ou désintéressée ne pouvait entendre ses doléances. On lui disait nettement qu'étant admis à l'hospice par charité, il faisait désormais partie du domaine expérimental du docteur, et que malades et maladies devaient servir de sujet d'étude, d'observation, d'analyse ou d'enseignement aux jeunes élèves qui suivaient assidûment la visite de M. Griffon. En effet, Bientôt le sujet avait à répondre aux interrogatoires souvent les plus pénibles, les plus douloureux, et cela non pas seul à seul avec le médecin, qui, comme le prêtre, remplit un sacerdoce et a le droit de tout savoir, non, il lui fallait répondre à voix haute devant une foule avide et curieuse. Oui, dans ce pandémonium de la science, vieillard ou jeune homme, fille ou femme, était obligé d'abjurer tout sentiment de pudeur ou de honte, et de faire les révélations les plus intimes, de se soumettre aux investigations matérielles les plus pénibles devant un nombreux public, et presque toujours ces cruelles formalités aggravaient les maladies, et cela n'était ni humain ni juste. C'est parce que le pauvre entre à l'hospice au nom saint et sacré de la charité qu'il doit être traité avec compassion, avec respect, car le malheur a sa majesté. En lisant les lignes suivantes, on comprendra pourquoi nous les avons fait précéder de quelques réflexions. Rien de plus attristant que l'aspect nocturne de la vaste salle d'hôpital où nous introduirons le lecteur. Le long de ces grands murs sombres, percés çà et là de fenêtres grillagées comme celles des prisons, s'étendent deux rangées de lits parallèles, vaguement éclairés par la lueur sépulcrale d'un réverbère suspendu au plafond. L'atmosphère est si nauséabonde, si lourde, que les nouveaux malades ne s'y acclimatent souvent pas sans danger. Ce surcroît de souffrance est une sorte de prime que tout nouvel arrivant paye inévitablement au sinistre séjour de l'hospice. Au bout de quelque temps, une certaine lividité morbide annonce que le malade a subi la première influence de ce milieu délétère et qu'il est, nous l'avons dit, acclimaté. L'air de cette salle immense est donc épais, fétide. Ça et là, le silence de la nuit est interrompu tantôt par des gémissements plaintifs, tantôt par de profonds soupirs arrachés par l'insomnie fébrile. Puis tout se tait, et l'on n'entend plus que le balancement monotone et régulier du pendule d'une grosse horloge qui sonne ces heures si longues pour la douleur qui veille. Une des extrémités de cette salle était presque plongée dans l'obscurité. Tout à coup, il se fit à cet endroit une sorte de tumulte et de bruit de pas précipités. Une porte s'ouvrit et se referma plusieurs fois. Une sœur de charité, dont on distinguait le vaste bonnet blanc et le vêtement noir à la clarté d'une lumière qu'elle portait, s'approcha d'un des derniers lits de la rangée de droite. Quelques-unes des malades, éveillées en sursaut, se levèrent sur leur séant, attentives à ce qui se passait. Bientôt, les deux battants de la porte s'ouvrirent. Un prêtre entra, portant un crucifix. Les deux sœurs s'agenouillèrent. À la clarté de la lumière qui entourait ce lit d'une pâle auréole, tandis que les autres parties de la salle restaient dans l'ombre, on put voir l'aumônier de l'hospice se pencher vers la couche de misère en prononçant quelques paroles, dont le son affaibli se perdit dans le silence de la nuit. Au bout d'un quart d'heure, le prêtre souleva l'extrémité d'un drap dont il recouvrit complètement le chevet du lit. Puis il sortit. Une des sœurs, agenouillée, se releva, ferma les rideaux qui crièrent sur leurs tringles et se remit à prier auprès de sa compagne. Puis tout redevint silencieux. Un des malades venait de mourir. Parmi les femmes qui ne dormaient pas et qui avaient assisté à cette scène muette, se trouvaient trois personnes dont le nom a déjà été prononcé dans le cours de cette histoire. Mademoiselle de Fermont, fille de la malheureuse veuve ruinée par la cupidité de Jacques Ferrand, la Lorraine, pauvre blanchisseuse, à qui Fleur de Marie avait autrefois donné le peu d'argent qui lui restait, et Jeanne Duport, sœur de Piquevinaigre, le conteur de la force. Nous connaissons Mademoiselle de Fermont et la sœur du conteur de la force. Quant à la Lorraine, c'était une femme de 20 ans environ, d'une figure douce et régulière, mais d'une pâleur et d'une maigreur extrême. Elle était phtisique au dernier degré. Il ne restait aucun espoir de la sauver. Elle le savait et s'éteignait lentement. La distance qui séparait les lits de ces deux femmes était assez petite pour qu'elles pussent causer à voix basse sans être entendues des sœurs. « En voilà encore une qui s'en va, » dit à mi-voix la Lorraine, en songeant à la morte et en se parlant à elle-même. « Elle ne souffre plus. Elle est bien heureuse. » « Elle est bien heureuse si elle n'a pas d'enfant, » ajouta Jeanne. « Tiens, vous ne dormez pas, ma voisine, » lui dit la Lorraine. « Comment ça va-t-il pour votre première nuit ici? Hier soir, dès en entrant, on vous a fait coucher, et je n'ai pas osé ensuite vous parler. Je vous entendais sangloter. « Oh oui, j'ai bien pleuré. Vous avez donc grand mal ?»« Oui, mais je suis dur au mal. C'est de chagrin que je pleurais. » Enfin, j'avais fini par m'endormir, je sommeillais, quand le bruit des portes m'a éveillé. Lorsque le prêtre est entré et que les bonnes sœurs se sont agenouillées, j'ai bien vu que c'était une femme qui se mourait. Alors j'ai dit en moi-même un pater et un ave pour elle. Moi aussi. Et comme j'ai la même maladie que la femme qui vient de mourir, je n'ai pu m'empêcher de m'écrier « En voilà une qui ne souffre plus, elle est bien heureuse. »« Oui, comme je vous le disais, si elle n'a pas d'enfant. »« Vous en avez donc, vous, des enfants ?»« 3, » dit la sœur de Pique-Vinaigre avec un soupir. « Et vous ?»« J'ai eu une petite fille, mais je ne l'ai pas gardée longtemps. »« La pauvre enfant avait été frappée d'avance. »« J'avais eu trop de misère pendant ma grossesse. »« Je suis blanchisseuse au bateau. » J'avais travaillé tant que j'ai pu aller. Mais tout a une fin. Quand la force m'a manqué, le pain m'a manqué aussi. On m'a renvoyé de mon garni. Je ne sais pas ce que je serais devenu sans une pauvre femme qui m'a prise avec elle dans une cave où elle se cachait pour se sauver de son homme qui voulait la tuer. C'est là que j'ai accouché sur la paille. Mais par bonheur, cette brave femme connaissait une jeune fille, belle et charitable, comme un ange du bon Dieu. Cette jeune fille avait un peu d'argent. Elle m'a retiré de ma cave, m'a bien établi dans un cabinet garni, dont elle a payé un mois d'avance, me donnant en outre un berceau d'osier pour mon enfant et 40 francs pour moi avec un peu de linge. Grâce à elle, j'ai pu me remettre sur pied et reprendre mon ouvrage. Bonne petite fille! Tenez, moi aussi j'ai rencontré par hasard, comme qui dirait sa pareille, une jeune ouvrière bien serviable. J'étais allé voir mon pauvre frère qui est prisonnier, dit Jeanne, après un moment d'hésitation, et j'ai rencontré au parloir cette ouvrière dont je vous parle. M'ayant entendu dire que je n'étais pas heureuse, elle est venue à moi, bien embarrassée, pour m'offrir de m'être utile selon ses moyens, la pauvre enfant. Comme c'était bon à elle. J'ai accepté, elle m'a donné son adresse, et 2 jours après, cette chère petite mademoiselle Rigolette, elle s'appelle Rigolette, m'avait fait une commande. Rigolette, s'écria la Lorraine, voyez donc comme ça se rencontre. Vous la connaissez? Non, mais la jeune fille qui a été si généreuse pour moi a plusieurs fois prononcé devant moi le nom de mademoiselle Rigolette. Elles étaient amies ensemble. « Eh bien, » dit Jeanne en souriant tristement, « puisque nous sommes voisines de lit, nous devrions être amies comme nos 2 bienfaitrices. »« Bien volontiers, moi je m'appelle Annette Gerbier, » dit la Lorraine, blanchisseuse, « et moi Jeanne Duport, ouvrière frangeuse. »« Ah, c'est si bon à l'hospice de pouvoir trouver quelqu'un qui ne vous soit pas tout à fait étranger, surtout quand on y vient pour la première fois et qu'on a beaucoup de chagrin. Mais je ne veux pas penser à cela. » « Dites-moi la Lorraine, et comment s'appelait la jeune fille qui a été si bonne pour vous ?»« Elle s'appelait la Goualeuse. Tout mon chagrin est de ne l'avoir pas revue depuis longtemps. Elle était jolie comme une sainte vierge, avec de beaux cheveux blonds et des yeux bleus si doux, si doux. Malheureusement, malgré son secours, mon pauvre enfant est mort à 2 mois. Il était si chétif, il n'avait que le souffle. » et la Lorraine essuya une larme. Et votre mari? Je ne suis pas marié. Je blanchissais à la journée chez une riche bourgeoise de mon pays. J'avais toujours été sage, mais je m'en suis laissé compter par le fils de la maison, et alors... Ah oui, je comprends. Quand j'ai vu l'état où je me trouvais, je n'ai pas osé rester au pays. Monsieur Jules, c'était le fils de la riche bourgeoise, m'a donné 50 francs pour venir à Paris, disant qu'il me ferait passer 20 francs tous les mois pour ma layette et pour mes couches. Mais depuis mon départ de chez nous, je n'ai plus jamais rien reçu de lui, pas seulement de ses nouvelles. Je lui ai écrit une fois, il ne m'a pas répondu. Je n'ai pas osé recommencer. Je voyais bien qu'il ne voulait plus entendre parler de moi. Et c'est lui qui vous a perdu pourtant, et il est riche. Sa mère a beaucoup de biens chez nous, mais que voulez-vous, je n'étais plus là, il m'a oublié. Mais au moins, il n'aurait pas dû vous oublier à cause de son enfant. C'est au contraire cela, voyez-vous, qui l'aura rendu mal pour moi. Il m'en aura voulu d'être enceinte, parce que je lui devenais un embarras. Pauvre Lorraine, je regrette mon enfant pour moi, mais pas pour elle. Pauvre chère petite, elle aurait eu trop de misère et aurait été orpheline de trop bonheur, car je n'en ai pas pour longtemps à vivre. On ne doit pas avoir de ces idées-là à votre âge. Est-ce qu'il y a beaucoup de temps que vous êtes malade? Bientôt 3 mois, dame. Quand j'ai eu à gagner pour moi et mon enfant, j'ai redoublé de travail. J'ai repris trop vite mon ouvrage à mon bateau. L'hiver était très froid, j'ai gagné une fluxion de poitrine. C'est à ce moment-là que j'ai perdu ma petite fille. En la veillant, j'ai négligé de me soigner. Et puis, par là-dessus, le chagrin. Enfin, je suis poitrinaire, condamné, comme l'était l'actrice qui vient de mourir. À votre âge, il y a toujours de l'espoir. L'actrice n'avait que 2 ans de plus que moi, et vous voyez. Celle que les bonnes sœurs veillent maintenant, c'était donc une actrice? Mon Dieu, oui, voyez le sort. Elle avait été belle comme le jour. Elle avait eu beaucoup d'argent, des équipages, des diamants. Mais pour malheur, la petite vérole l'a défigurée. Alors la gêne est venue, puis la misère. Enfin, la voilà morte à l'hospice. Du reste, elle n'était pas fière, au contraire. Elle était bien douce et bien honnête pour toute la salle. Jamais personne n'est venu la voir. Pourtant, il y a 4 ou 5 jours, elle nous disait qu'elle avait écrit à un monsieur, qu'elle avait connu autrefois dans son beau temps, et qu'il avait bien aimé. Elle lui écrivait pour le prier de venir réclamer son corps, parce que cela lui faisait mal de penser qu'elle serait disséquée, coupée en morceaux. Et ce monsieur, il est venu? Non. Ah, c'est bien mal. À chaque instant, la pauvre femme demandait après lui, disant toujours « Oh, il viendra. Oh, il va venir, bien sûr. » Et pourtant, elle est morte sans qu'il soit venu. Sa fin lui aura été plus pénible encore. Oh, mon Dieu, oui, car ce qu'elle craignait tant arrivera à son pauvre corps. Après avoir été riche, heureuse, mourir ici, c'est triste. Au moins, nous autres, nous ne changeons que de misère. À propos de ça, reprit la Lorraine après un moment d'hésitation, je voudrais bien que vous me rendiez un service. Parlez? Si je mourais, comme c'est probable, avant que vous sortiez d'ici, je voudrais que vous réclamiez mon corps. J'ai la même peur que l'actrice, et j'ai mis là le peu d'argent qui me reste pour me faire enterrer. N'ayez donc pas ces idées-là. C'est égal, me le promettez-vous? Enfin, Dieu merci, ça n'arrivera pas. Oui, mais si cela arrive, je n'aurai pas, grâce à vous, le même malheur que l'actrice. Pauvre dame, après avoir été riche, finir ainsi. Il n'y a pas que l'actrice dans cette salle qui ait été riche, madame Jeanne. Appelez-moi donc Jeanne, comme je vous appelle la Lorraine. Vous êtes bien bonne. Qui donc encore a été riche aussi? Une jeune personne de 15 ans au plus, qu'on a amené ici hier soir avant que vous n'entriez. Elle était si faible qu'on était obligé de la porter. La sœur dit que cette jeune personne et sa mère sont des gens très comme il faut, qui ont été ruinés. Sa mère est ici aussi ? Non, la mère était si mal qu'on a pu la transporter. La pauvre jeune fille ne voulait pas la quitter, et on a profité de son évanouissement pour l'emmener. C'est le propriétaire d'un méchant garni où elle logeait, qui, de peur qu'elle ne meure chez lui, a été faire sa déclaration au commissaire. Et où est-elle ? Tenez, là, dans le lit en face de vous. Et elle a 15 ans ? Mon Dieu, tout au plus. L'âge de ma fille aînée, dit Jeanne, en ne pouvant retenir ses larmes.